Chapitre 2e. Macao, qui fut autrefois un port très important, est maintenant complètement déchu. Ses vastes et luxueuses maisons bâties au temps de sa splendeur tombent en ruine ou sont achetées par les Chinois qui peu à peu se rendent maîtres de la ville. La maison du général Andrade de Mello était une des plus belles de Macao. Érigée au fond d'un vaste jardin que de hautes et épaisses murailles entouraient, elle se composait de deux étages entourés chacun d'une galerie. Icoteruca, ayant sonné à la grande porte du jardin, dut attendre quelques minutes avant de voir le battant s'ouvrir. Un vieux chinois vêtu de toile blanche apparut. « Je suis un ami de ton maître, il m'attend, dépêche !» fit le grand détective en portugais. Le domestique le pria de le suivre. Derrière lui, le célèbre détective traversa le parc planté de palmiers flamboyants et arriva devant un kiosque de bambou sous lequel un grand vieillard était assis et lisait des journaux. Son visage basané était d'une maigreur remarquable. Des lunettes à monture d'or chevauchaient son nez. Son menton était recouvert d'un collier de barbe blanche. Passant devant le boy, Icoteruca pénétra dans le kiosque. « Je suis Icoteruca, général, » dit-il à voix basse, en réponse au regard interrogatif du vieillard. Celui-ci tressaillit. Il se dressa et répondit « Merci d'être venu. Hélas, je ne vous attendais plus. Voulez-vous me suivre? Il faut que personne n'entende ce que je vais vous dire. » Icoteruca, sans répondre, s'inclina. Aux côtés du général de Mello, il se dirigea vers la maison, gravit un perron, traversa un vestibule et un long couloir et pénétra dans le cabinet de travail du vieillard, une vaste pièce aux murailles laquées de rouge, meublée de quelques fauteuils, de deux grandes bibliothèques et d'un bureau. M. de Mello alla lui-même fermer la porte derrière son visiteur. « Asseyez-vous, » dit-il en lui indiquant un fauteuil. « Mon récit sera sans doute assez long, bien que je vais m'efforcer d'être bref, mais l'affaire est tellement embrouillée. » « Les affaires les plus embrouillées en apparence sont les plus simples en réalité, » observa Icoteruca en s'installant sans façon dans un des fauteuils. Monsieur de Mello soupira. Sans doute n'était-il pas de cet avis. Il s'assit lui-même devant le bureau et parla. « J'ai été longtemps major général de la garnison de Macao, » expliqua-t-il. « Ma pauvre femme est morte ici et je n'ai plus le courage de revenir au Portugal. » Mon fils unique, Joachim de Mello, est entré dans l'administration de la colonie. Il était directeur du mouvement des fonds. Une belle place, monsieur. Malheureusement, mon fils jouait quelquefois au fantan. Il faut vous dire que les maisons de jeu à Macao constituent une des principales ressources de la colonie. Donc, mon fils avait la faiblesse de jouer au fantan. Le jeu de fantan est très simple. Le croupier prend une poignée de sapec dans un grand bol. Il pose ses sapec sur la table de jeu. Il les place par rangée de quatre. Le nombre qui reste, c'est-à-dire 3, 2 ou 1, est le nombre gagnant. Ceux qui ont parié sur lui, ou qui ont misé sur un pair, si c'est 1 ou 3, ou sur pair, si c'est 2 ou 0, gagnent. Il y a plusieurs combinaisons, mais elles vous importent peu. Donc, mon fils jouait, comme tout le monde à Macao. Or, il y a de cela, 7 mois environ, mon fils, je l'ai su par l'enquête, perdit sur parole une assez forte somme dans la maison de jeu tenue par le chinois à Afo. Les assistants virent même Joachim qui disait ses vérités à Afo, lequel était le plus grand tricheur de la terre. Mais peu importe. Mon fils rentra ensuite chez lui. Il savait que je paierais. Il n'avait donc pas de mauvais sang à se faire. Mais vous ne vous doutez pas de ce qui arriva. Vous ne pouvez vous en douter.